Si c'est qu'il y a deux dieux, je ne sais pas. Mais oui, quand il y a un dieu. Mm. Et je lui ai dit carrément que je ne vais pas aller là-bas. Oui. Oui, quand il y a un diable, il y a un dieu. Et j'aimerais demander pardon à Dieu parce que lorsque je suis en crise, j'ai trouvé qu'on a commencé depuis. Ça m'a vraiment cassé. Et on demande what did the group make on dans le jusqu'à maintenant lorsque même lorsque j'entre dans la présence de Dieu. To what has Allah banu? Lorsque je suis dans le jeûne et prière. To non dire souma et malade. Mon cœur est calme lorsque quand je suis dans la prière dans le jeûne et prière. To ber no akoron der tourne comme dans ton to timini. Du jeûne et prière. To hurti der souma et tourne man. On dans voir ça quand point. Je me serais demandé pardon à mon mari. Oh il yem goya fa gorko mako. Parce que j'ai dit que je ne vais pas venir. Et jusqu'à demain, même dans mon corps, lorsque je viens là, je m'assois. Donc tu les regardes comme ça, comme les objets, tout ça. Pour je demande pardon à Dieu et que mon mari me pardonne. Pour que vraiment, je vous aime. Ne pleure pas, comment ça? Ne pleure pas. Je crois que ton mari te pardonne. Tamini. Et quoi que son mari est là. Ouais. Va, je vous le dis. Vous voyez sa présence. Le Seigneur est là, n'est-ce pas? Ah. Que Dieu. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un voulait. Oui, la soeur s'est levée là. Elle s'élève devant le peuple de Dieu et devant Dieu. Elle ne connaît pas bien parler pour lui, mais elle va se battre. Elle se lève comme ça, elle parlait du cas d'un cas de maladie, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est malade, ça fait déjà 7 ans. Elle est allée à l'hôpital, elle est allée au village, on avait prescrit qu'on devait l'opérer. Il n'y a pas aussi d'argent. Elle a réfléchi, elle a donc pensé qu'est-ce qu'il faut faire. Elle doit maintenant entrer dans une autre dimension ou bien dans un autre lieu. Et elle revient encore en elle dit que bon, Dieu est grand. Même si je meurs, la maladie ne peut pas rester en vie. Nous allons tous mourir avec la maladie. Et comme elle a entendu maintenant qu'il y a un pasteur qui viendra, elle est venue comme ça pour écouter la parole. Elle est venue comme ça avec sa maladie, mais elle veut qu'on prie sur elle afin qu'elle soit guérie. Amen. Et la maladie l'a fait beaucoup plus mal au niveau de son cou et au niveau du thorax. Oui. Aidez-moi aussi dans la prière. Amen. Et quand elle marchait sur la rue comme ça, elle parlait seule parce que son enfant encore est malade. Et son enfant aussi a la toux. Donc elle demande aussi la prière. L'enfant est à la maison pour l'instant. Elle demande l'aide avec la prière. Et l'enfant, la maison est loin d'ici. Ça demande d'ailleurs. Elle habite là-bas à l'opéra, c'est un peu loin d'ici. Ok. Que le Seigneur te la bénisse. Dis qu'elle est dans sa présence. Et nous, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés là. Waouh. Fais-le entrer. Il y a des places ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allah que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, je crois qu'il y a encore quelqu'un là-bas. Viens passer de ce côté, mon frère. Je crois que nous sommes à leur service. C'est là. Elle demande la prière. Elle ne se sent pas bien.